Bonsoir à tous et bienvenue sur la cinquième édition du podcast de Jungle Evolution. Bonsoir Mathias. Ce soir on a du gratin. Pour les invités, nous recevons Matt Damon et Brad Pitt pour discuter de Jumpgate Evolution. Et donc, oui. Je crois que tu te trompes de fiche là. C'est pas pour ce podcast-là. Ah oui, autant pour moi. Ouais. Tu vois, excuse-moi. Non, non, non, c'est pas le bonjour. En effet. Non. Ce soir, nous recevons Ramsès II. Bonsoir Ramsès. Bonsoir. En direct de sa pyramide. J'allais faire la blague du pharaon. Mais... Oh là là là là là là. Je suis désolé. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Continuons. Pour parler de Jumpgate, ce soir nous aurons donc Ramsès et Draiana. Nous avons décidé de changer de format pour les podcasts. Nous sommes repassés à l'ancien format, c'est-à-dire moins d'invités, moins de sujets, quelque chose de plus bridé pour que ça soit moins long, que les gens puissent avoir envie de l'écouter d'une seule traite, donc ça sera une diffusion de moins d'une heure. Et on va essayer de faire très rapide, effectivement. Voilà. Et puis une petite nouveauté, on teste ça ce soir, Mathias. Absolument, on va avoir un canal Mumble en live en même temps. Donc tout ce que vous entendez en ce moment, même s'il y a de l'édition qui se passe après coup de la part de Brugnard, à mon avis ça ne m'étonnera pas parce que lui il est un petit peu cash quoi. Il y a quand même une liste de personnes qui nous écoutent en ce moment sur Mumble et qui peut nous donner des commentaires, nous poser des questions. Donc c'est juste un petit test pour voir comment ça marche. Voilà. Donc bonsoir au public aussi, du coup, qui est là. S'il y a des questions qui nous sont posées, nous essaierons d'y répondre. Tout en direct, nous lirons vos questions. Et puis, bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Bah oui, surtout qu'il y a... Il y a du gratin, là aussi. Ouais, tout à fait. Donc on va commencer ce podcast avec les traditionnelles news du Skein. Avec le jingle, c'est parti. Boire un petit coup, c'est agréable. Le projet audio La Taverne Spatiale vient de commencer sur Skynet avec le premier épisode par l'équipe des podcasteurs. L'idée est simple, faire du RP, mais audio. Ce projet est ouvert à tous et nous allons d'ailleurs avoir un nouvel épisode de diffusé d'ici peu par nos amis de la bande Tourocicole. Une refonte de fer. Draiana, administrateur du Fancy GGO World, est en train de nous pondre une troisième version de ce même site. Dans un second temps, il y aura une dissociation avec l'escouade FDA, dont il restera pour le moment squad leader. Plus d'infos dans un instant. Des news ou la peur? Notre ami Scorch, président de Netdeville, on va le savoir, a récemment publié une news où il nous parle d'éléments concrets du jeu, d'après lui toujours en développement. C'est la première news intéressante depuis les retours de la Friends and Family version 1. Nous allons décortiquer point par point tous ces éléments. Leak chez Code M. Un leak, ou fuite en français, a eu lieu chez Codemaster récemment. Des vidéos, des artworks et même une version bêta du jeu ont été divulguées sur la toile. Netdeville réagit négativement suite à cela, mais les fans ont, eux, grandement apprécié ce qu'ils ont vu. Nous aurons peut-être l'occasion d'en toucher deux mots à la fin de ce podcast. Arrivé. Ce mois-ci, nous avons 4 nouveaux membres qui sont venus grossir les rangs de l'équipe du Skein. Bienvenue à Balfar, Talracha, Zaviran et Unlight, et bon courage à eux dans leurs rôles respectifs. Bienvenue. Donc Mathias, tu vas commencer l'interview de Draiana concernant Jumpgate Evolution World. Alors bonjour Draiana, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'administrateur de Jumpgate Evolution World, un fan site francophone qui existe depuis juillet 2008, donc depuis pratiquement 2 ans. Autant dire que tu as suivi pas mal d'informations et pas mal d'actualités sur Jumpgate. Tu es en partie aussi le leader de la fédération Andoloxia, qui n'est malheureusement plus active, et donc ce passage du podcast est là pour faire une petite interview de ta part. Donc bienvenue, et c'est parti pour les questions. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu les 2 dernières années de Jumpgate Evolution World? Eh ben, Jumpgate Evolution World, c'est, on va dire que c'est un des vrais premiers sites que j'ai commencé à faire. Donc en même temps c'était une expérience, donc c'était pas facile à faire, c'était internet. Et donc on a suivi les infos, on a essayé de faire des news par rapport à d'autres sites pour être en avance, parce qu'on était en contact directement avec toi. Et ça reste toujours un site simple, hein, donc pour les fans francophones, donc pour suivre les nouveautés de Jumpgate Evolution. Et donc, avec la nouvelle version, ça sera toujours les mêmes fonctions. Donc, il y aura toujours des informations sur Django Evolution. Donc, avec la nouvelle version, j'ai évité de faire du copier-coller donc, pour envoyer certaines catégories vers le site officiel. Et on a gardé nos propres catégories. Avec une galerie, avec des screenshots, artwork qu'il y a sur le site officiel. Un forum de communication qui a été complètement intégré à JGE World. Donc on a pris la plateforme PHPBB comme pour Skinnet ou Phoenixus, ça marche très bien. Et en même temps avec JGE World, il y aura deux autres services. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce service? Parce que tu en parlais déjà sur Skynet, mais tu restais un petit peu vague, donc je crois qu'on est tous impatients de savoir ce dont tu parlais. Donc c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça peut aider certains, ou voilà. Donc il y a le premier service qui permettrait d'inciter les gens à créer des escouades pour Jamgate Evolution dans la bêta et dans la release. Donc en fait, je créerai un tutoriel complet de A à Z de comment gérer, créer son escouade, avec des documents que Brunière m'avait fait quand il m'aidait à gérer la FDA. Donc le service qui permettrait aux gens inciter de créer une escouade, donc. Et ainsi, à la fin, on pourrait envoyer, mettre un lien qui enverrait vers Skinnet pour inciter les gens aussi à s'inscrire. Comme ça, on pourrait répertorier plus d'escouades. D'accord. La communauté francophone. C'est intéressant que tu dises ça, parce que sur le forum, enfin sur plusieurs forums, il y avait une discussion sur justement la coopération, ou plutôt le cannibalisme presque, entre Skynet et Jamgate Evolution World. Alors, pour la petite histoire, Skynet, ça avait été créé par toi au tout début. Sur Jamgate Evolution World, c'était un projet qu'on avait vu ensemble. Ensuite, il y avait Brugnard qui l'avait repris parce que tu étais occupé dans la vie privée. Là, tu es en train d'expliquer qu'il y a des services qui seront liés au site officiel et à la création des squads et à Skynet. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse un doublon presque? Tu vois, qu'il y ait Jamgate Evolution World et Skynet qui se marchent un petit peu sur les pieds. Enfin, c'était un des débats qui a été lancé sur le forum. Oui, mais la plupart des personnes nous disent que les deux sites n'ont pas le même rôle. Donc on peut dire par exemple que Skynet, ça référence donc Skynet à l'annuaire pour référencer toutes les escouades francophones au moins. Ouais. Ils ont aussi le CME que le JGE World n'a pas. SME. SME. Je me permets de corriger. SME. J'avais dit quoi? Tu as dit le CME. CME. Ouais. Ouh, Community Manager Education. CPE. Donc le SME. Donc, ouais, alors pour compléter effectivement ça, Skynet normalement c'est pendant le jeu en fait. C'est pour aider les joueurs in-game, c'est-à-dire aider à se réunir, à trouver des informations. JGE World c'est plus un fan site qui parle du jeu en général, je pense. D'accord. Draya, si tu me corriges si c'est pas ça. Si, c'est ça. Donc c'est plus, JGE World serait plus la première approche pour les gens qui connaissent pas encore le jeu, et Skynet serait la seconde approche pour les jeux qui sont dans le jeu et qui veulent aller plus loin en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bah c'est pas à toi que je demandais, Brunia. Pardon. JGE World qui, on va dire, accueille les nouveaux joueurs, et ensuite s'ils veulent faire une recherche plus approfondie ou voir plus, voir comment fonctionne le jeu, après ils peuvent aller sur Skynet pour voir ce qu'on peut leur proposer pour qu'on puisse les accueillir. D'accord. Moi c'est plutôt bien parce que c'est complémentaire et c'est limite des phases, donc c'est super pour les joueurs. Alors il y a aussi un autre message que tu avais posté, c'est-à-dire que tu partais en Nouvelle-Zélande en juillet 2010 et que tu étais à la recherche de quelqu'un pour te remplacer et pour s'occuper du site et s'occuper de l'escouade qui y est associée, la fédération Andoloxia, mais que tu souhaitais que les deux soient... séparés si tu veux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc JGE World, on verra bien si je le cède ou pas, ou si j'arriverai à le gérer quand même en partant là-bas, parce qu'il y a quand même 10 heures de décalage par rapport à la France, donc ouais. la fédération Andoloxia, c'est sûr que je la passerai à quelqu'un d'autre. D'accord. Maintenant pour ça, c'est JGE World et Fédération Andoloxia, donc on les sépare, parce que JGE World c'est une communauté, un site fan francophone. Et Fédération Voxa, c'est une escouade, on va dire qu'on voudrait mieux éviter de mélanger les news de JGE World et d'escouade. Donc c'est-à-dire que là, il va y avoir l'adresse jgeworld.fr pour le site fan, et je vais peut-être faire un autre site avec un autre nom de domaine pour l'escouade. D'accord. Alors oui, ça allait être ma question. Quand tu vas mettre en ligne la refonte, JG World disposera de son propre forum et les squads aussi, ou les squads tu t'en occupes pas pour l'instant, ça va venir dans un second temps? Voilà, pour le moment je vais juste mettre la nouvelle version de JG World, et dès que je l'aurai bien terminé, que ce sera sur internet, je m'occupe ensuite les squads. Et donc les squads aura son propre forum, son propre D'accord. forum. Donc on peut supposer donc que pendant un laps de temps d'environ un mois, la FDA est entre guillemets complètement morte finalement, parce qu'il n'y aura plus de plateforme de communication, ou non? On va plutôt dire inactive. Bon, je mettrai au moins une section sur GG World pour continuer à parler entre les membres, mais après on va tout transférer sur un nouveau forum. D'accord. Est-ce que tu es déjà dans une période de recrutement en ce moment? Pour le moment, non. Non, parce que c'est pas urgent encore. Donc je sais pas trop quand D'accord. je pars. Peut-être, je sais pas si je pars mi-juin ou durant la fin de l'été. Donc, D'accord. Verra. Mais, de toute façon, tu posteras un message quand tu lanceras quelque chose. Ouais, je posterai un message, tout le monde sera au courant. D'accord. Et pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus sur la FDA, la Nation, comment ça va se goupiller? Donc la Nation, c'est vous êtes au courant, c'est Solora. Oui, non mais nous oui. Ah bon? C'est pour les auditeurs. Les questions sont pour le reste des auditeurs si tu veux. Ok, d'accord. Et attends, c'est mon premier podcast, hein, le temps que je vais habiter. C'est vrai. Donc ça sera une escouade Solrain. Enfin, tu aimerais que ça continue dans ce sens-là? En sachant qu'il y a Phoenixus, Octavien, et donc Kantar, il y aurait Predicatorum, mais non. On sait pas. Non, la bande psychologue. Predicatorum, pour l'instant, n'est pas... T'as la FDA qui n'est pas active, Predicatorum, c'est encore moins que ça. À ce point-là, ok. Donc en escouade Kantar, nous avons la bande Tourocycle qui, elle, par contre, est active, mais pour toutes les autres escouades Kantar qui existent sur la planète. Oui, donc pour en finir, ouais, donc, tant que je suis administrateur de FDA, on gardera Solrain. Et après, D'accord. quand je vais céder les squads, on verra, ils verront eux-mêmes comment ça se passera. D'accord. Donc, mais... Pour toi, Fédération Andaloxia, c'est quelque chose qui est encore flexible. C'est pas forcément gravé dans la pierre. Parce qu'il y a quand même une histoire avec cette escouade. Donc c'est juste que, comme c'est toi qui l'avais créé, qui l'avais géré pendant 2 ans, on se demandait un petit peu quelle était ta vision de l'escouade dans le futur. J'ai absolument rien capté. Oh, bordel. Non, je disais... Alors, bonjour. Je disais, comme tu t'es occupé de la Fédération Andaloxia pendant 2 ans, malgré les périodes d'inactivité, il y avait un petit peu une image qu'on se faisait de l'escouade, et les membres peut-être voulaient rester ou voulaient continuer dans cette optique-là. Donc, tu vois, escouade Solrain, associé à GG World. Donc, est-ce que tu donneras les libres rênes au prochain leader de la Fédération, ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder dans un coin d'un tiroir et la ressortir quand tu seras disponible, ce genre de choses? Comment tu vois la Fédération Andaloxia quand tu seras parti? La Fédération Andaloxia, déjà, c'est donc les personnes vont se proposer pour on va dire la fédérer, mais je passerai vraiment la FDA à une personne en qui je connais, on va dire, déjà un peu, ou en qui j'ai confiance. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, on va dire que comme je ne serai plus l'administrateur, on va dire que c'est le prochain administrateur qui verra comment fonctionne la FDA. Mais en général, si une personne est d'accord pour prendre une escouade qui existe déjà, c'est qu'elle est, on va dire qu'elle est déjà d'accord avec le fonctionnement actuel. C'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. Merci bien, Andrea. Donc, d'ici 2-3 jours pour le JGWorld plus? Ah oui, ça, c'est juste quelques infos rajoutées, et le forum a terminé d'intégrer parce qu'il a fallu que je recode tout. Ok, très bien. Donc on va voir ça, on va patienter, puis de toute façon on refera une publication sur Skynet dès que le site sera mis en ligne. Merci bien, Driana. Pas de problème. Merci. On va pouvoir passer au deuxième sujet. Jumpgate Evolution vs Jumpgate Classic, avec comme interlocuteur Ramsès II. Ramsès, si je ne dis pas de bêtises, tu as joué plus de 2 ans à Jumpgate Classic. Oui. D'où le Ramsès 2, ou c'est juste par hasard? Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est pour garder le même nom. Ah, donc tu étais appelé Ramsès 2 sur Jumpgate Classic. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va te poser quelques questions, et on enchaînera en fait sur les news de Scorch qui correspondent en fait à plusieurs points, et on continuera de faire l'amalgame avec Jumpgate Classic pendant ces news en fait. D'accord. Donc, j'avais une première question. Dans Jump Gate classique, nous avions trois nations qu'on va appeler communes, c'est-à-dire que les Solrains, les Cantars et les Octaviens jouaient les uns avec les autres, c'était un peu le multination. Tandis que dans Jump Gate Evolution, ils sont en guerre depuis la dispersion. Donc la double question, c'est est-ce que du coup Jump Gate classique se passait avant cette dispersion où tout le monde s'entendait bien? Et la seconde question, comment ça se passait dans le jeu à ce niveau-là? Mais en fait, tout simplement, au niveau de l'entente, rien. C'était plus une question de combat en fait entre squads. Donc les rapprochements en fait faisaient plus, on dira par affinité que vraiment le background en fait. Donc ça soit comment dire aussi bien de nationalité ou autre. Donc il n'y avait pas vraiment un RP vraiment comment dire énorme sur le classique. D'accord. C'était un plus un jeu d'arcade. Enfin quand je dis arcade, un jeu où on est là juste pour piloter et tirer. Non, pas forcément. Non, t'avais quand même l'esprit, comment dire, de territoire et autres. Mais c'était plus par rapport aux guildes et aux squads qu'il y avait, si tu veux, plus que vraiment les nations elles-mêmes. D'accord. Est-ce que c'est pour ça, à mon avis, que les anciens du forum, enfin à une époque, en 2009, il y avait beaucoup de gens qui voulaient savoir s'il y aurait du internation, c'est-à-dire des combats PVP entre internations. C'est-à-dire deux escouades octaviennes qui se battent les unes contre les autres. Oui. Est-ce que c'est dû à ça, tu penses? Bah après, moi je compare par rapport à mon expérience, c'est vrai que on était habitué à jouer comme ça, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de nation vraiment octavienne, sol et comptard réel. Donc après, si ils ont décidé de faire ça sur celui-ci, bon, pourquoi pas, il n'y a rien de. Tout est possible. D'accord. Donc Ramsès, là il y a eu une question intéressante qui a été posée sur le canal Mumble. Est-ce que le PVP c'était partout, dans toutes les zones? Oui, tu pouvais faire du PVP partout. En fait, tu avais un flag, donc tu t'es vu un tag, en fait tu mettais AG, tu avais juste une petite option, tu étais ou civil ou AG, ce qu'on appelle, donc c'était Honor Guard, sauf erreur. Et à partir du moment où tu flaguais donc AG, c'est-à-dire que tu étais prêt pour du PVP n'importe quand, n'importe quel vaisseau, n'importe où, voilà, en fait tu étais prêt à combattre tout le temps et n'importe où. D'accord. Et ça, tu pouvais le faire aussi dans les zones Solrain Core, ce genre de choses? Ah oui, partout. En fait, du moment qu'en fait tu dockais et après, donc sauf erreur de mémoire, donc tu dockais, tu passais en AG et après quand tu voulais repasser civil, par contre tu avais un temps. Un cooldown. Ouais, t'avais un temps, ouais. D'accord, ouais, ce qui est normal. Okay. Pas que tu puisses attaquer tout de suite quelqu'un et après repartir en mode normal. Voilà. D'accord. Et donc, on arrive du coup à la seconde question. Y avait-il des vaisseaux capitaux dans Jump Gate Classic à attaquer en groupe? Du tout. Du tout? Non. Alors, est-ce qu'il y avait des instances ou des trucs qui nécessitaient, hormis du PVP pur et simple, de se grouper à un certain nombre? Non, c'était juste des missions, on dira, il y avait... sauf erreur, une dizaine de missions, 8 ou 10 missions en fait, avec différents niveaux. Mmh. Et donc c'était ou miner, ou taper du conflux, ou il y avait quoi encore, des transports, la construction, sauf erreur. Taper du conflux, je pense que ça va devenir d'ailleurs un sport national octavien. Je pense qu'il faut qu'on mette ça en place. Et au niveau des stations, parce qu'on a eu quelques informations sur comment les stations vont être gérées dans Jump Gate Evolution, dans Jump Gate classique, comment ça se passait? Tu pouvais construire tes stations ou les détruire à la limite? Les détruire, je ne crois pas, parce que j'ai arrêté en fait peu de temps après que les stations soient arrivées. On pouvait faire ces stations, parce qu'au départ, il y avait juste les stations, on dira, standard. Donc ou les HIP, donc chez HIP, chez Amanat, et puis donc toutes les Sol, Kant, et puis Oct. Donc le problème justement en PVP, comme tu pouvais claquer partout, le souci c'est que une fois que tu dockais, en fait tu reprenais ton vaisseau à partir où était le dock. Donc si tu te cartonnais à l'autre bout de la carte, fait que tu reprennes ton vaisseau pour repartir, retrouver tes potes quoi, donc c'était un peu la galère. D'accord. Donc après ils avaient décidé donc de faire justement des stations qu'on puisse monter et créer. et à partir de là, donc au pire, se rapprocher des zones de combat en cas de besoin. Et les stations, du coup, elles étaient contrôlées par les joueurs ? Enfin, on... Oui. Oui, tout à fait. Ah, oui, oui, d'accord. Et donc, elles pouvaient aller partout. Voilà, par contre, on pouvait pas les détruire. Tu pouvais juste, par exemple, si tu avais une corp, tu pouvais laisser l'accès donc aux gens de la corp, ou aux items, ou alors aux ships. Tu pouvais même avoir accès, laisser l'accès à des amis qui ne sont pas de la corporation, qui voulaient travailler avec ou déposer donc des minéraux ou des choses comme ça, faire un minimum de petit commerce là, qu'on appelait, ou même pour faire pour du craft. Mm-hmm. Mais sinon, tu ne pouvais pas, détruire la station proprement dit du joueur. D'accord. Donc maintenant, nous allons continuer à parler de Jamgate classique, mais en alternance avec les news de Scorch. Donc pour rappel, Scorch, il y a une quinzaine de jours, a dévoilé 5 points de développement de Jamgate Evolution. 5 points qui ont majoritairement satisfait les joueurs, redonné de l'espoir concernant Jamgate. Mm-hmm. Donc Mathias, je te laisse commencer avec le premier point. Alors le premier point, c'était au sujet de Battle Space, c'est-à-dire les instances PVP fermées. Scorch a dit en fait que ça revenait sous sa forme originale dans Jamgate Classic, donc le premier du nom. C'est-à-dire un espace juste pour que les pilotes puissent s'entraîner et non pas pour progresser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de points d'expérience, mais plus pour s'entraîner avec des vaisseaux et un petit peu peaufiner ses compétences de vol. Alors, bien sûr, ça fait plaisir à pas mal de gens, puisque pour eux, les instances fermées, c'était un petit peu le mal en personne. Et c'est plus intéressant, beaucoup plus intéressant même, d'avoir des zones PVP dans l'espace ouvert. C'est-à-dire... que quand une station est récupérée dans une zone PVP, c'est beaucoup plus intéressant parce que les gens se battent, alors que si c'était dans une instance fermée, bah, quand la partie est terminée, il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Donc c'était le premier point, et ce que Scorch ajoutait sur ce sujet, c'était qu'ils espéraient aussi apporter des tableaux de score et des systèmes d'accomplissement, un petit peu comme sur Xbox ou le PlayStation Network, mais ceci n'aurait certainement pas d'effet ou de buff sur les compétences de vol ou sur l'équipement des joueurs. Alors ça c'est très bien, ça va en motiver plus d'un. Vu que c'était ce principe là dans Jamgate Classic, il y a une question qui ressortait beaucoup. Les gens avaient peur qu'il y ait... Au départ les gens avaient peur qu'il y ait trop de monde dans les zones PVP fermées, et maintenant les gens ont peur qu'il n'y ait plus assez de monde dans les zones PVP fermées. Ramsès, comment c'était sur le classique ? En fait, sur le classique, tu avais le système donc de PVP fermé, comme ils disent, donc le système de simulation. Mm-hmm. Donc, tu avais toujours en moyenne, on va dire entre 100 et 200 personnes constamment en train de se taper dessus joyeusement et gentiment. D'accord. Donc, en fait, il y avait dans la simul, c'était une base donc centrale, et tu préparais tes feats, tu essayais tous tes vaisseaux, que ce soit n'importe quel niveau du newbie ou l'Optimus, en fait tu pouvais fitter tout et n'importe quoi, tout essayer, donc en fait ça revient à ça. Donc tout le monde était mélangé en gros. En fait, c'est vraiment une vraie simulation, c'est-à-dire que même si t'es niveau 1, tu peux essayer le voilà, tu peux venir en bombardier, voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Ça, sans problème, ouais. D'accord. Et le principe des scores, en fait, c'est parce qu'il y a déjà sur Jamgate Classic, c'est qu'en fait, tu as les meilleurs tireurs, celui qui a tué le plus d'ennemis, les meilleurs lanceurs de missiles. En fait, t'as le principe des, des médailles. Oui. T'avais des médailles pour tout sur le Jamgate Classic. Donc là, je pense que ça va faire la même chose sur celui-ci. Et là, on peut pas le dire. Non, mais je vous entends plus. Je passe. Non, mais attention. C'est une supposition. Tout à fait. Je dis que mon avis personnel. Disons que je ne serais pas surpris si cela arrivait. Voilà. Bah oui. Surtout quand il y a Scorch qui parle d'un système d'accomplissement. C'est facile de faire le rapprochement, même si on n'est pas encore sûr de l'état final de la chose. Mais quand il parle d'un système d'accomplissement dans Jamgate Evolution dans les instances PVP fermées, et que tu nous dis qu'il y avait un système de médailles dans Jamgate Classic, c'est des choses qu'il y a un rapprochement facile à faire. Donc, une autre des nouveautés que Scorch nous a démontré il y a 15 jours, c'est qu'un gros travail a été fait sur les missions. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la première Friends and Family, il y avait déjà eu un travail là-dessus, où ils avaient changé le système de mission pour que ça soit beaucoup plus sympathique à pratiquer. Donc là, apparemment, il y a encore du travail qui a été refait. Donc, théoriquement, on devrait avoir un système de mission énorme. Ou alors c'est qu'ils étaient partis de pas grand chose. Mais non. Non. En fait, bah, comme tu l'as remarqué, c'était suite à la... au test Friends and Family. Oui. Donc en fait, ce sont tous les joueurs qui ont testé cette phase du jeu, donc cette phase bêta très avancée, qui ont dit que le système d'émission était peut-être pas le meilleur qui soit, et donc il fallait le peaufiner ou le changer. Et donc c'est pour ça que Netdeville a décidé de l'améliorer. Bah là, apparemment, plus de variété, beaucoup plus intéressante qu'avant. Voilà. Alors, quand on lit une nouvelle équipe bossant sur le design d'émission, sur le design, quand on entend design, on pense à quelque chose de graphique. Design d'émission, c'est quoi? C'est la manière dont elles interviennent? C'est l'interface d'émission? Alors, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est d'accord. Le graphisme, donc la manière dont elles sont affichées dans l'interface d'utilisateur, mais aussi le contenu, c'est-à-dire la façon dont l'histoire est présentée, dont la quête est présentée aux joueurs. D'accord. Là aussi, ça a été retravaillé. Et à Ramsès, donc, dans le classique, il y avait des missions? Oui, mais non. Si, 4. Ah, en fait, tu vois, c'est vrai, non, le système d'émission était vraiment pas terrible quand même. Ah, d'accord. Alors, là, faut reconnaître quand même. Le seul avantage de faire ces missions-là, c'est que. Au niveau des... Après, c'est par rapport à Jungle Classique. Au niveau des problèmes politiques, pour quand tu allais dans les stations, en fait, si tu avais des mauvais rapports, on dira, avec certaines nations, en fait, tu payais plus cher les items et autres. En fait, ça servait plus à ça, quoi. D'accord. Donc, bah, tu te retapais l'émission, complètement pas terrible à cause de ça, quoi. Arman avait dit au tout départ que Jumpgate Evolution n'était pas du tout une évolution de Jumpgate Classic. Mm-hmm. Ah ouais. S'en rapproche quand même. D'où le nom. À grand... ah, ouais, franchement, on s'en rapproche là. Quand même. Bah, on a l'impression, c'est vrai qu'ils sont en train de revenir un petit peu au côté plus. Comment dire. Plus hardcore gamer de Jumpgate Classic. Et tant mieux. Tant mieux pour c'est les un fans. Jeu qui a marché. Tout à fait. Ah oui. Bah, il a eu son public, mais d'après ce que j'ai entendu, c'était un jeu quand même assez de niche et qui était très en avance sur son temps. Tout à fait. Trop, par contre, ouais. C'est vrai. Alors, tout le monde, parce que moi, j'ai un jour, il a fallu que je pose la question. Tout le monde n'est pas au courant. Un jeu de niche, en fait, c'est un jeu qui a son public, qui est très restreint. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Posez la question quand vous avez un doute. Moi, je l'ai fait. Je suis passé pour un con 5 minutes, mais après, je me suis dit vachement bien. Après, ça allait mieux. Ouais. Parce que je lisais jeune niche par-ci, jeune niche par-là, tout le monde en parlait autour de moi. Ah, mais t'as raison, hein. Je me sentais un reclus de la société parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, jeune niche, c'est un jeu qui a son public. Donc, Jumpgate Evolution risque fortement d'être un jeune niche. Non. Mais non, en fait, justement, ils ont envie de... Enfin, oui, c'est en train de revenir au côté hardcore gamer, mais pour eux, ils ont toujours l'objectif d'avoir un jeu beaucoup plus large et accessible aux joueurs, quoi. Oui. Tu te souviens, par exemple, où il disait... Enfin, je me souviens qu'il y avait un joueur de Jumpgate Classic qui disait que quand tu t'approches de la station et que tu touches le mur, tu exploses instantanément. Oui. Tu me diras, Ramsès, si c'est vrai ou pas. Dans les débuts, ouais. Après, ils ont changé, ouais. Après, d'accord. On pouvait taper, ouais. D'accord. Et en fait, mais en tout cas, enfin, c'est ce que Herman disait quand il était encore chez Netdeville. Il disait que c'était un gros côté de frustration pour les joueurs d'exploser si simplement. Donc, tout à fait. Le fait d'enlever ce côté un petit peu main mort instantanée, ça le rend plus accessible. C'est ça que je veux dire. Ils veulent toucher un public plus large. Et puis après, ils ont fait des évolutions. Tu avais même les autodocs aussi. En classique. Donc, c'était bien pour tout ce qui était Indus, parce que t'arrivais un peu comme un gros sauvage et puis tu prenais toujours une gaufre, mais bon. Donc après, ils ont quand même décidé de faire ça. Donc il y avait toujours en fait des items pour aider, quoi. D'accord. On va passer au troisième point. D'accord. Donc le troisième point, c'était une meilleure définition des nations. Donc dans le sens nation, c'est Octavien, Quantar et Solrein. Pour que leurs histoires soient plus immersives dans le jeu, pour que le joueur se sente plus impliqué par la nation qu'il a choisie, et que les missions expliquent mieux pourquoi vous êtes en guerre contre les deux autres nations. Donc plutôt de dire, voilà, vous devez aller dans la zone PVP et attaquer telle nation et telle nation, là ils expliquent, il y a une structure, il y a un scénario qui fait monter la pression et qui explique ce qui se passe. Et l'histoire est également beaucoup plus sombre. C'est-à-dire que les missions ont un scénario qui se situe plus dans une zone grise, plutôt que d'avoir un côté qui est gentil, un côté qui est méchant, et le traditionnel, faites votre choix, vous pouvez soit être le diable, soit être un dieu. C'est pas du tout comme ça. Dans Jump Gate Evolution, ce sera plus... Il n'y a pas... Ils ont ni raison ni tort. Ce sera plus un côté gris, justement, mitigé. Et donc, par rapport à cette histoire de nation, est-ce que les backgrounds qui nous sont traduits sur le site officiel seront modifiés ou c'est vraiment dans le jeu, au niveau des missions, que ça va se traduire? Bah, pour l'instant, c'est dans le jeu et au niveau des missions. D'accord. Après, je sais pas dans quelle mesure ça va changer le background. J'ose espérer que ça changera pas, mais s'il y a des choses qui sont trop en contradiction avec ce qui a été dit dans le passé, bah, j'imagine que ça sera modifié pour mieux coller à la nouvelle image de Jungle Evolution. Non, mais c'est bien, ça donnera du taf à tous les fans qui avaient fait déjà leur background, leur RP personnel. Je savais que t'allais dire ça. Donc, c'est... Et voilà, on se dit que les gars, le jeu est parfaitement fini là, mais. Je pense surtout à nos les amis. Les fans, ils sont pas là, quoi. Il faut leur donner du travail. Pour ça, nos amis Cantar qui ont fait des RPS personnels de 15 pages, là, ils vont s'amuser. Ah ouais, là, ça va être génial. Ok. Donc, le point suivant, c'était concernant le PVP qui a été beaucoup retravaillé. Et ça, c'est un point assez délicat parce que on n'en sait pas plus que ça sur le PVP ouvert, bien sûr. Donc, on sait qu'il y aura des nouvelles zones. Une nouvelle jouabilité, de nouvelles formes de progression, ça c'est sûrement sur les moyens tactiques, je pense. De nouvelles formes de progression, ça doit être rapport aux licences. Je sais pas ce qu'il a voulu entendre par ça. À mon avis, c'est plus dans le sens à partir de quel niveau on peut entrer dans le PVP, oui. Ou quelles conséquences ça aura sur le jeu, tu vois. Ce genre de choses. Et là, quelque chose d'intéressant mais qui nous précise, des stations spatiales de combat construites par les joueurs. Les stations spatiales, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est des vaisseaux capitaux? Comment ça se traduit? Est-ce qu'on sait quelque chose? Alors, on ne sait pas encore beaucoup de choses sur les stations spatiales de combat dans les zones PVP. Par contre, la chose qu'on sait, c'est que c'est quand on... Ce serait une sorte d'avant-poste pour défendre le secteur PVP que tu possèdes ou que tu contrôles pour ta nation. C'est-à-dire que si tu te bats pour Kantar, par exemple, tu te bats pour ce secteur PVP qui te donne des ressources ou qui donne un type de bonus qui n'est pas encore complètement défini. Par exemple, il y a eu des questions sur le minerai ou ce genre de choses. Donc tu construis cette base PVP pour protéger la zone et pour que d'autres nations ne puissent pas venir récupérer le secteur et doivent d'abord essayer de détruire la station pour récupérer cette zone, justement. Donc c'est plus une sorte de moyen défensif. Et on sait sur quel système ça fonctionne au niveau du temps? Est-ce que ça sera ouvert genre le mercredi de 15h à 17h ou toutes les 3h vous pouvez y aller? Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? On n'a pas encore d'informations à ce sujet. Pas d'informations. On sait juste que le PVP sera ouvert, donc on se doute que ça sera un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. Ça veut dire que si la station n'est pas défendue par des vaisseaux spatiaux, elle sera plus facile à attaquer, par exemple, quand il est 4h du matin et qu'il n'y a personne qui la défend. Oui. Par contre, la manière dont l'interaction se fera entre la station et les joueurs, on ne la connaît pas encore bien précisément. D'accord. Alors, on a une question de Deios, là, dans le public. Pourra-t-on construire des tourelles ou engager des PNJ pour protéger les stations? Là encore, on ne sait pas. Là encore, c'est trop précis pour y répondre. On a juste eu ce petit update, cette petite mise à jour de Scorch. Il n'est pas entré dans le détail concernant les mécanismes derrière. En tout cas, il dit que les batailles massives, c'est ce qui va faire du jeu quelque chose, une sensation énorme. Tout à fait, oui. Et je suis pressé d'y être, personnellement. Je pense que tout le monde ici a envie d'être dans ces batailles massives. On serait pas là ensemble, hein, si on était. Octavien au pouvoir. Pardon? Oh. Et l'indépendance, alors, ouais. Pas la neutralité, je veux dire. Qui a dit que Skynet était neutre? C'est moi. Merde. Bon, je te laisse faire le dernier point, Mathias. Laisse-moi. Donc, le dernier point, c'est l'intelligence artificielle, oui. sur laquelle Scorch a dit qu'un très gros travail avait été effectué pour la rendre beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire qu'avant, les ennemis étaient tout simplement trop faciles à exploser, donc il n'y avait aucun intérêt, et que le travail a été fait pour les rendre non seulement plus résistants, mais aussi plus intelligents dans la manière qu'ils attaquaient et la façon dont ils se défendaient. Oui, oui, oui. Herman avait aussi sorti quelque chose comme quoi ils avaient donné des nouvelles. Qu'ils avaient ajouté des manières d'attaquer aussi, genre comme des pistes de danse en fait. Le vaisseau n'attaquerait pas toujours de la même manière, il aurait des façons de faire différentes. Il ferait un trips Axel et. Je savais que ça serait pris au pied de la lettre. C'était obligé. Tout à fait, tout à fait. Si t'envoies en tutu, tu cours. C'est un boss. Ça dépendra de la taille. Moi, je me fie à la taille. Oh, t'es dégueulasse. Ah ben non. Non mais t'as raison. C'est par exemple les bombardiers seront plus gros, ce genre de choses. T'as raison. Mais ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'on attend un peu plus de détails sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est intéressant bien sûr de savoir qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle et qu'il y a une nouvelle stratégie, mais c'est beaucoup plus intéressant de voir comment ça se passe dans le jeu, quoi. De savoir comment s'y habituer. Est-ce que par exemple si tu tires des missiles au lieu de tirer au laser, est-ce que ça va changer la façon dont les ennemis se comportent? C'est tout ce genre de questions sont très intéressantes, mais on n'a pas encore suffisamment de détails à ce sujet. Alors, je fais une petite parenthèse avant de finir sur le sujet de Scorch. Ce qui serait pas mal de demander à Ned Deville, c'est qu'est-ce qu'ils ont fini dans le jeu, pour savoir justement à quoi on aura le droit au niveau de la communication. Je suis presque certain de pouvoir te donner déjà la réponse. Ils vont dire rien du tout. Dans un MMO, rien n'est jamais fini. D'accord. Bon. Non, mais t'as vu, vraiment, Ned Deville, ce sont les spécialistes de vouloir toujours peaufiner, d'avoir une bonne expérience. Donc... Du soon surtout. Ils vont, ouais, du soon. Ouais, bon, d'accord. Non, mais ils vont toujours te dire, on peut toujours améliorer les choses. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils vont sortir le jeu quand même. Il n'y a pas de. Évidemment. Ouais. Alors, on va en venir à Ned Deville. Soon. On va se prendre 2 minutes pour terminer ce podcast en parlant du fameux leak qu'il y a eu chez Codemaster. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. On va parler de technique déjà. Un leak, qu'est-ce que c'est? C'est une fuite d'informations. Voilà. Oui. NDA break, c'est quand même du jeu vidéo, c'est ça, ouais. Excuse-moi. Voilà. NDA break, quand quelqu'un est sous NDA, clause de non-divulgation, et dévoile des informations. Voilà, ça c'est NDA break. Et un leak, c'est quand il y a eu une fuite d'informations. Ce qui s'est passé récemment chez Codemaster. Bah, ça se passe, dans le jeu vidéo, depuis qu'il y a des bêtas, c'est... Tout le temps. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. C'est pour ça que les éditeurs sont très prudents avant de lancer une bêta, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire « Ah ben, voilà, je joue au jeu, donc ça doit être la version finale. » Et non, une version bêta, c'est pour tester le jeu. Et en général, il y a aussi beaucoup de jeux qui sont sortis avec une bêta qui était en fait un outil marketing, presque. Donc, Ned Deville ne veut pas faire ça, mais le danger, justement, c'est qu'une version... trop récente ou trop en développement du jeu sorte avant que ce soit prêt, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Mais bon, Scorch a demandé à ce qu'on ne communique pas trop sur ces éléments parce que justement c'était pas les éléments finaux et qu'il valait mieux attendre les diffusions officielles. C'est je reprends des critiques qui sont apparues suite au post que tu as mis sur le forum officiel. Ouais. C'est unanime. Tout le monde a adoré ce qui est sorti du leak, autant les trois vidéos que les artworks. Bah, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, on est content, c'est sûr. Alors, on a vraiment du mal à comprendre la stratégie de Ned Deville de dire non, non, mais ça c'est de la daube, on est en train de l'améliorer. On se pose des questions parce que le jeu il le peaufine depuis longtemps, il faudrait peut-être qu'à un moment ils arrêtent de le peaufiner, sinon on est content de voir des choses qui datent d'il y a 6 mois, enfin octobre 2009 c'était il y a 6 mois, donc on était tous satisfaits de voir ça, et ils veulent pas qu'on communique dessus, parce que c'est pas les éléments finis, mais à la limite, tout le monde les a vus maintenant ces images, ces vidéos. Enfin, on essaie quand même de le garder. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui les ont vus là. Il y a pas de problème. On reconnaît ça. Enfin, Scorch, tu vois, il a posté son message. C'est une preuve. Par contre, là où il insiste, c'est il dit c'est pas les éléments finaux du jeu. Enfin, c'est pour ça qu'on veut pas que tout le monde se base là-dessus pour commenter le jeu. Tu vois? Oui. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est dans le sens. Attendez qu'il y ait des diffusions officielles. Ça va arriver quand on se rapprochera de la sortie du jeu. En attendant. Enfin, les vidéos, voilà, ceux qui les ont vues, ils les ont vues, mais gardez bien en tête que c'est quelque chose qui est toujours en développement et que c'est pas des versions finales. Je comprendrais que cette communication aurait eu tout son intérêt si ça avait été de la daube. Mais là, en France, il n'y a pas un seul type qui a été critiqué négativement ce qu'on a vu. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, de critique négative. Donc, au contraire, ça a eu un gros buzz, mais à succès. C'est idiot de pas le laisser... Au contraire, ça a ramené du monde. Il y a eu des gens qu'on ne voyait pas depuis longtemps qui sont revenus, ceux qui commençaient à douter, qui ont commencé à retrouver de l'espoir. Ça a été vraiment positif, ce leak, en tout cas pour la communauté. Alors à ce moment-là, je suis d'accord, le leak qu'il y a eu a été bien reçu, et on est très content de ça. Par contre, je crois qu'ils veulent plus faire passer un message général. C'est-à-dire que là, il y a eu un leak, peut-être qu'il y en aura d'autres, et que la ligne de conduite de Ned Deville, c'est... Les leaks, on n'en veut pas, on ne veut pas qu'ils soient communiqués, même s'ils sont très bien, c'est quand même pas quelque chose d'officiel. Donc tu vois, c'est plus dans le sens, notre stratégie générale, c'est de dire non aux leaks, Et puis bon, bah là, si on a eu de la chance, c'était un truc positif, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sortir une texture qui est pas jolie, et tout le monde va la commenter et va associer la texture pas jolie au jeu. Et c'est ça qu'ils veulent pas. Donc là, c'est très bien, parce que la vidéo et les artworks qui étaient super, mais ils veulent pas que ça se commence à devenir quelque chose de général et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vois, qui... Oui, oui. Tu vois, ils veulent que ce soit bien encadré. Bah, du coup, enfin, je lis les commentaires qu'il y a sur le Mumble. Ça leur fout une pression parce que du coup, leur prochaine com, ils ont pas intérêt de se craquer sur ce qu'ils vont nous dire. Sinon, on va la voir mauvaise. Ils savent que les fans les attendent au tournant, ça c'est clair. Bah, s'ils en sont conscients, c'est pas mal. Adriana, toi, est-ce que tu as eu l'occasion de voir vidéo ou une les artworks? En fait, je viens de le savoir à l'instant, donc. D'accord. Bon. Bah, donc, écoute, tu vois, c'est. t'auras l'occasion dans les coulisses. Sur différents sites et les commentaires que je vois, c'est que graphiquement apparemment il aurait bien changé quoi. Je sais ah oui pas. Oui, ça s'est vraiment amélioré quoi. C'est, ah ouais, bah, ça correspond à leur background, c'est devenu plus sombre tout en restant joli, mais c'est vraiment positif. Et toi Ramsès? Oui, non, mais tout à fait, oui. Oui, non, c'est vraiment chouette, ça démarre bien. Le seul souci, on en revient toujours au même principe, c'est que leur façon de communiquer est quand même assez bizarre. Ils ont quelque chose bien avancé apparemment qui tourne bien. Voilà, il y a eu des bêtas de fête les friends et friendly, tout ça, donc je vois pas pourquoi je comprends pas en fait le principe de l'attente. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il n'y a pas de concurrence à part BP, bon voilà, qui lui a été annoncé pour au niveau de la sortie au niveau d'avril, donc j'ai du mal à concevoir en fait leur l'attente, leur façon de communiquer, mais bon, on verra bien. Hein. Beaucoup de monde. Mais peut-être que par exemple, c'était parce qu'ils avaient prévu de diffuser ces vidéos à un événement spécial ou à l'associer à une stratégie marketing. Tu vois, il y a des trucs qu'on voit pas qui se passent en coulisses, mais qui peuvent ruiner un plan de communication sur ce genre de choses, tu vois, si ce genre de choses arrivent. Oui, non, je disais, en fait, je comprenais pas le principe de communication. On a vu donc les vidéos, on a vu le jeu tourne à peu près. Oui, bon, comme tu disais, Mathias, on peut attendre une certaine communication, oui, comment dire, un certain événement, d'accord, mais depuis le temps, quand même, quoi. Le jeu tourne, on le voit bien, donc pourquoi autant attendre? C'est clair. C'est ça qui est quand même bizarre. Oui, oui, oui. Ben c'est ça, ça reste, ça fait aussi l'unanimité dans la communauté, en tout cas francophone. Et on a beau, les gens ont l'impression que NetDevil ne les écoute plus du tout, quoi. C'est-à-dire que actuellement, on leur demande de la com, ils mettent 15 jours à nous répondre. L'autre jour, quand j'ai posté les artworks sur Skynet, Stephen, il lui a fallu moins de 40 minutes pour m'envoyer un mail. Comme quoi, oui, il est bien dispo pour communiquer, quoi. Donc, c'est... Non, mais c'est vrai. Ouais, je vais pas commenter sur Stephen parce que, tu vois, c'est... Ouais, c'est un sujet de délicat. De ma position, voilà, je suis pas censé commenter sur ce genre de choses. Par contre, bon, de toute façon, NetDevil, ils suivent les commentaires et sur les réactions sur le forum. Ils savent ce qui se passe. Donc, s'ils veulent pas communiquer encore sur le jeu, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je veux pas m'engager là-dessus parce que c'est leur bébé, c'est leur jeu. Tout ce que je sais, c'est que il y a eu des choses qui sont passées sur Internet. Vous voyez qu'il y a de la qualité derrière le jeu. C'est plus quelque chose, tu vois. Genre, oui, ok, c'est sur Internet. Ça va être enlevé, je pense, un jour ou l'autre. Mais il faut le prendre comme un gage de qualité sur le jeu. C'est-à-dire que ça prouve qu'ils travaillent dessus. Mais il n'y a plus aucun doute au niveau de la communauté là-dessus. En fait, ouais, on est même certain que le jeu actuellement, il est très bien, mais c'est qu'on a l'impression que NetDevil n'est pas satisfait de leur truc et qu'ils vont continuer de le développer 107 ans en fait, jusqu'à ce qu'un jour il y en a un qui dise « Voilà, les gars, il n'y a plus de budget, on le sort ». Alors qu'il est très bien le jeu, quoi. En même temps, il y a des MMO qui ont pris encore plus de temps que ça que pour le développer, hein. Donc, ouais, je pense qu'ils étaient pas terribles. Je pense qu'ils veulent juste pas se mettre la pression avec une date précise comme il s'était passé en juin 2009 dernier. Ils veulent prendre leur temps, être prêts lors de la sortie. Après, effectivement, pour la communauté, c'est chiant parce qu'il faut qu'ils attendent. Mais bon, quand ça sortira, on se dira « Oh, on a attendu tout ce moment pour ça, enfin c'est sorti, c'est génial, on peut jouer, et ainsi de suite, tu vois. Ouais. » C'est vrai qu'en ce moment, c'est le moment qui est un peu difficile. Là, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Bon, ben, je pense qu'on a fini. Donc, voilà, c'était le podcast épisode 5. On espère que celui-ci vous aura plu. Malheureusement, on en est toujours au même stade pour nous, c'est qu'on aimerait communiquer sur du contenu, mais NetDevil ne nous laisse pas faire. Enfin, ne nous donne pas la possibilité de le faire, en tout cas. Ouais, bah ça se passera mieux dans les prochains podcasts quand il y aura des informations. L'intérêt de ces podcasts, c'est effectivement de traiter du contenu voilà. du jeu, quoi. Donc, tout à fait, ouais. C'est vrai que pour l'instant, on comble comme on peut. Ça plaît aux gens. C'est toujours plus facile d'avoir une communauté, des activités communautaires quand le jeu est sorti. Parce que tu peux parler plein de trucs. Tout Alors que quand tu attends un jeu et que les informations sont pas là, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais ça montre aussi qu'il y a une attente et ça, Netdeville est au courant et c'est pour ça qu'ils veulent un jeu bien, bien fait, quoi, quand ça sera sorti. J'aime bien la remarque de Slump, Mathias au boucher. moi je m'en fiche, il y a deux T donc c'est pas moi. C'est... Ça c'est moi, ouais. Non, mais là Slump c'est moi. Pas. Non mais très bien, je le note. Me cramez pas quoi. S'il vous plaît. Ça va, il y a Mathias Brugnard et Mathias Instinct. Donc... Enfin voilà, donc il y a plein de projets communautaires qui vont tourner prochainement sur Skynet. Alors des chansons, des épisodes de la taverne spatiale. Tout plein de choses, donc en attendant on essaye de faire tenir la communauté comme on peut, et puis le prochain podcast, peut-être que, hein, on sait jamais, peut-être qu'on aura du nouveau contenu pour discuter. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci d'être venus, et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut. Ciao. Welcome.